l'autre, et que ceux qui disent l'autonomie, ça n'existe pas en islam, là, il y a un problème, un très grave problème. Il faut qu'il lui-même fasse... Si, c'est possible que les personnes ne croient pas ce que je dis par rapport aux savants, ceux qui disent que quoi, il est semi-créant, ceux qui disent non, c'est toujours musulman ou autre, qu'il fasse, qu'il faut faire les recherches, il faut faire Talib al-Ilm. Apparemment, il y a toujours Abou Bakr 8 qui veut parler, donc je vais lui redonner le micro. Abou Bakr 8, s'il te plaît, prends bien le micro, essaye de bien parler. Et vas-y, tu peux... Moi, je connais bien l'islam. Écoutez-moi, moi, je demande rien du tout. Je demande à mon fils qu'il rentre pas dans des trucs qui c'est plus grave. Moi, je demande pas beaucoup de choses. Moi, je connais l'islam, je suis musulmane. Voilà, on est une famille musulmane. Mais il faut pas dépasser les bornes, parce que moi, j'ai peur pour mon fils. Je veux pas qu'il fasse comme Mira, comme tout le monde. Il va tuer les gens, il va faire n'importe quoi. C'est ça que ce que je demande. S'il vous plaît, je suis une maman. Je reprends le micro. Donc, comment dirais-je, pour la maman, il n'y a aucun problème. Hein, pour ce qui est de ce que nous, on fait ici dans ce salon, on n'oblige personne. Personnellement, le cours que je donne, c'est des paroles des savants qui ont toujours existé. Hein, donc, on n'invente rien dans la religion. Je vous demanderais même d'aller voir, de vérifier ce que je dis auprès de Chouyour ou autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est comme ça. Si vous voulez reprendre la parole pour donner votre avis ou de conseils, je peux vous redonner le micro si vous voulez. Hein. La maman de Abou Bakr, si elle veut, elle lève la main et je lui redonne le micro. Hein. Il n'y a pas de problème. Et je demanderai, parce que c'est pas aux intervenants, de ne pas se moquer de la mère qui vient de parler, mais de comprendre en plus, comment dirais-je, dans quelle situation on peut se trouver avec tout ce qu'elle peut voir aussi à la télé, tout ça, et peut-être que bon, il y a certaines choses de l'islam qui lui a peut-être échappé. Donc, s'il vous plaît, intervenez avec sagesse. Barakallahu fikoum. Apparemment, il n'y a plus de questions. Ok, d'accord. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. On est déjà à 22h45. Eh bien, je vous dis à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Pour continuer ce cours, c'est possible qu'on finisse, Inch'Allah, demain ce livre de l'Othaymin. Après, on fera un autre livre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.